Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire de Sophie Rollet, une mère de famille face au géant des pneus Goodyear ou le parcours improbable d'une assistante maternelle du Doubs devenue lanceuse d'alerte. Avant elle, il y a eu notamment Irène Frachon, la pneumologue de Brest qui avait révélé en 2010 le scandale du Mediator des laboratoires Servier. Des femmes sans histoire, des mères de famille que rien ne disposait à s'engager comme elles l'ont fait, si ce n'est un tempérament bien trempé et une incapacité à fermer les yeux sur l'injustice. Des enquêtrices autodidactes, à l'énergie et à la pugnacité inébranlables, qui ont finalement réussi à se faire entendre et même à obtenir gain de cause au point de faire trembler des multinationales et de leur rappeler que personne n'est au-dessus des lois. Depuis 7 ans, Sophie Rollet se bat pour comprendre comment et pourquoi son mari Jean-Paul, routier, a trouvé la mort le 25 juillet 2014 au volant de son camion. Pourquoi les causes du drame n'ont-elles jamais été élucidées? Il se trouve que l'enquête menée par les gendarmes a posé plus de questions qu'elle a donné de réponses, au point de faire douter Sophie, qui pour autant ne baissera pas les bras. Notre invité aujourd'hui, Philippe Courtois, l'avocat de Sophie Rollet, depuis le mois d'août 2014. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Bettina Liore, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Vendredi 25 juillet 2014, dans un village du Doubs, non loin de la frontière suisse. Il fait encore nuit lorsque, comme tous les matins, Sophie Rollet, 40 ans, cheveux châtains, sourcils arqués et nez aquilin, est tirée du sommeil par le réveil de Jean-Paul, son mari. Le couple s'enlace un instant, puis Jean-Paul se lève pour prendre une douche. Sophie, elle, enfile un jogging et descend à la cuisine préparer du café. Un quart d'heure plus tard, alors que Jean-Paul finit d'inspecter son camion-citerne, Sophie le rejoint dehors et lui passe les bras autour de la taille. Cet après-midi, elle préparera le gâteau d'anniversaire de Jérémy et ira faire les courses pour samedi. « Fais bien attention sur la route », lui dit-elle, à la fois sincère et mécanique, c'est un rituel. Jean-Paul l'embrasse, puis monte à bord. La portière claque, le poids lourd démarre bruyamment. Un dernier signe de la main, il est 6h. À 13h, le même jour, le calme a laissé la place à l'animation chez les Rollet. Dans la salle à manger, Jérémy, 7 ans, Clara, 10 ans et Clément, 13 ans, finissent de déjeuner. Tout en débarrassant la table, Sophie suit d'un œil le journal de France 3. Quand soudain, elle se fige. L'actualité en Bourgogne et en Franche-Comté marquée par un grave accident de la route ce matin sur l'autoroute A36. Un poids lourd qui circulait dans le sens Beaune-Mulhouse a traversé le terre-plein central et a percuté deux autres camions qui arrivaient dans l'autre sens. Bilan, deux morts et un blessé grave. Le choc entre les poids lourds est terrible. Deux chauffeurs sont tués sur le coup. Pour les enquêteurs, l'origine de l'accident semble déjà établie. Et à première vue, donc la cause de cet accident, ce serait donc un pneu qui aurait éclaté, hein, mais ça demande à confirmer. Sophie Rollet, qui croit avoir reconnu le camion-citerne blanc de son mari et la cabine broyée dans laquelle elle l'a vu monter aux aurores, saisit son téléphone et compose le numéro d'entreprise de son mari, la F3C. Elle se présente d'une voix tremblante et explique à son interlocuteur qu'elle vient de voir les infos, mais avant qu'elle ne termine sa phrase, l'homme au bout du fil la coupe. Sincère condoléance, Madame Rollet. L'horreur. 2 heures plus tard, les gendarmes frappent à sa porte et lui confirment la nouvelle. Ils lui présentent leurs condoléances, puis, à sa demande, retracent avec précision les circonstances de la mort de son mari. Après avoir livré à l'aube une première station-service en essence, Jean-Paul a pris la 36 en direction de Mulhouse pour aller ravitailler sa citerne. À 9h08 précisément, à moins de 10 km de chez lui, il a été percuté par un poids lourd qui a traversé le terre-plein central, celui de Pascal Rochard, 44 ans, lui aussi mort dans l'accident, qui venait de perdre le contrôle de son véhicule suite à l'éclatement du pneu avant gauche de son camion. Remués aussi, les gendarmes ne savent plus quoi dire et risquent quelques lieux communs. Pour ses enfants, Sophie va devoir aller de l'avant, lui disent-ils. À 16h, alors que Sophie referme la porte derrière les gendarmes et prend peu à peu la mesure de ce qui lui arrive, un souvenir lui revient. celui du jour où son père, lui aussi chauffeur routier, avait été gravement blessé par l'éclatement d'un pneu alors qu'il inspectait son camion à l'arrêt. Il avait survécu, certes, mais les séquelles de l'accident l'avaient laissé invalide et il n'avait jamais pu retravailler. Il avait dû se résigner, accepter cette fatalité. Mais depuis ce jour, il s'était muré dans le silence et Sophie a eu l'impression de le perdre un peu. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est son mari qu'elle perd. Encore une fois à cause d'un pneu. Sophie et Jean-Paul se sont rencontrés en 1996 à Évian. Elle avait 22 ans, lui 35. Il était le chauffeur du bus attitré au centre de vacances où elle était animatrice. 3 octobre 2014, 2h du matin. La nuit est chaude et calme, à Genève. La maison est silencieuse, le village est endormi et les enfants aussi. Sophie, elle, ne dort pas. Assise à la table de la cuisine, elle sent l'intuition qui l'habite depuis le drame. Elle la sent se faire plus lancinante encore. Quelque chose ne va pas. Il faut dire que depuis le début de l'enquête, les irrégularités se succèdent et les questions sans réponse s'accumulent. Pourquoi l'a-t-on empêché de voir le corps de Jean-Paul ou même les photos prises par les enquêteurs après l'accident? Comment expliquer qu'on ait scellé le cercueil si vite et sans même lui avoir demandé son autorisation? Et pourquoi n'arrive-t-elle pas à mettre la main sur l'acte de décès, celui-là même que réclament sans relâche les banques, les assurances, la sécu? Et cette enquête qui n'avance pas. Pourtant, Sophie en est persuadée. Un pneu, ça n'éclate pas comme ça, sans raison. Elle se remémore à nouveau l'histoire de son père. À l'époque, personne n'avait cherché à comprendre ce qui avait provoqué, sans raison et à l'arrêt, l'éclatement de ce pneu de camion qui l'avait laissé invalide. C'est alors qu'une idée lui traverse l'esprit. Les enquêteurs refusent de se saisir de l'affaire, eh bien c'est elle qui va s'en charger. Ne sachant par où commencer, Sophie cherche sur Internet une base de données répertoriant les accidents de poids lourds provoqués par des éclatements de pneus. Elle pense ainsi trouver un indice. Mais elle doit se rendre à l'évidence. Aucun document de la sorte n'existe. Alors, elle se met en tête de créer elle-même cette base de données. Jour après jour, elle travaille, elle recense sur Internet les accidents similaires à celui qui a coûté la vie à Jean-Paul. Sur un tableau Excel, elle reporte toutes les informations qui lui paraissent importantes. La date, le lieu, le type de véhicule, le nombre de morts et de blessés et aussi les circonstances précises. Après plusieurs mois de recherche, elle constate une étrange coïncidence. 14 septembre 2011, à Neuf-Loupiant, 2 morts, 1 blessé. 10 septembre 2014, La Bingue-Vinay, à 49, 1 mort, 2 blessés. Ces deux accidents, en tout point similaires à celui de son mari, auraient été provoqués par l'éclatement d'un pneu, et pas n'importe lequel. Un Goodyear modèle LHS2, celui-là même qui était en cause dans l'accident de Jean-Paul. Sophie décide alors de resserrer ses recherches à ce type précis de pneu. N'y connaissant rien, elle fait appel à un ami de son mari, un ex-gendarme, qui patiemment lui apprend à reconnaître et distinguer les pneus Michelin des pneus Goodyear, et en particulier le modèle LHS2. Et puis un soir, alors qu'elle visite un obscur site internet, elle tombe sur un document qui attire son attention. Le rapport d'expertise de l'accident de Loupiant, identique à celui de son mari. Là aussi, un pneu LHS qui éclate, et le chauffeur qui perd le contrôle, et qui va percuter un autre camion. Alors, Sophie s'empresse de télécharger le document, et après une lecture attentive, arrive à la section 6.1 du rapport, celle des conclusions. Section 6.1 du rapport d'enquête technique sur la collision entre 2 poids lourds et 3 véhicules légers survenus le 14 septembre 2011 sur l'autoroute A9 à Loupiant. La cause directe de cet accident est l'éclatement du pneumatique de la roue avant gauche. Cet éclatement s'est produit par séparation de la bande de roulement des nappes d'armature de ce pneumatique. Cette rupture a pu également être légèrement favorisée par les écarts de positionnement un peu trop élevés, écarts qui modifiaient la répartition des contraintes entre sa bande de roulement et sa carcasse radiale. Un écart de positionnement. Sophie n'en revient pas. L'expert reconnaît noir sur blanc qu'un problème de fabrication a pu être à l'origine de l'éclatement du pneu LHS. Et si son mari également était mort à cause de cela, d'une erreur du fabricant. Autrement dit, si Pascal Rochard, le chauffeur du camion qui l'a percuté, n'y était pour rien. Dès le lendemain, Sophie décide de contacter des chauffeurs routiers, des syndicats et même des ouvriers qui fabriquent les pneus en question. Mais ses requêtes restent lettres mortes, et pour cause. Lorsqu'on lui demande de se présenter, elle est bien obligée de jouer franc jeu. Oui, elle est la veuve d'un accidenté de la route. Une femme qui, comme des milliers d'autres, ne parvient probablement pas à faire le deuil de son mari, faute de savoir pourquoi il est mort. Elle rappelle quand même les gendarmes et leur transmet le rapport d'expertise de l'accident de Loupian. Mais là encore, elle sent bien qu'on ne la prend pas au sérieux. Pour les gendarmes, à l'évidence, la veuve laisse en tête. Près d'un an plus tard, 15 septembre 2015, 9h du matin. Après avoir déposé ses enfants à l'arrêt du bus scolaire, Sophie découvre au courrier une lettre commandée. Elle est mandatée par le parquet de Besançon. Précipitamment, elle l'ouvre et regrette aussitôt. Chère Madame Rollet, je vous informe par la présente que l'enquête liée à l'accident de votre mari a été classée sans suite. L'éclatement du pneu de M. Rochard étant lié à un problème d'entretien, l'infraction n'a pas été caractérisée. La mention classée sans suite écrite en gras est sans équivoque. Après les gendarmes, c'est la justice qui la laisse tomber. Un problème d'entretien, Sophie s'y attendait. Personne n'a enquêté, alors parce qu'un problème d'entretien, ça arrange tout le monde. Mais pas question de baisser les bras. Au contraire, désormais, Sophie mettra son réveil toutes les nuits à 3h pour plancher sur le dossier avant d'aller travailler. Et tant pis si elle doit sacrifier ses vacances et ses jours fériés. Autour d'elle, ses proches commencent à s'inquiéter. Et s'ils la soutenaient au départ, ils essaient maintenant de lui faire entendre raison. Tu devrais lever le pied, Sophie, genre, protège-toi, ça va te mener où, tout ça, hein? Et tes enfants, tu y penses à tes enfants? Tes paroles inutiles, contre-productives même, parce que de toute façon, Sophie ne fera pas marche arrière. Peu à peu, ceux qui échouent à la raisonner lui tournent le dos. Seuls ses enfants la soutiennent. 20 novembre 2015, 4h du matin. Les carcasses des véhicules en témoignent. Le choc a été terrible. Le poids lourd roulant vers Grenoble a traversé les barrières centrales de sécurité et est venu percuter une camionnette qui roulait en sens inverse sur la chaussée opposée. Le conducteur de la camionnette a été tué et ses deux passagers grièvement blessés. Le chauffeur du poids lourd est sorti indemne de l'accident. Une enquête a été ouverte pour déterminer comment il a perdu le contrôle de son véhicule. Selon les premières constatations de la gendarmerie, un pneu du camion aurait éclaté. C'est le troisième accident que Sophie recense, quasiment identique à celui de son mari, dans lequel, là encore, un pneu Goodyear LHS2 a éclaté. Trois accidents, ça ne peut plus être un hasard. Un peu plus tard, ce jour-là, Sophie va chercher sa fille à la sortie de l'école. Mais alors qu'elle tente de se joindre aux discussions des autres mères de famille, elle réalise que sa présence provoque une certaine gêne au sein du groupe. Les regards fuyants et les sourires en coin en disent long. Sophie comprend que les ragots sur ses activités se sont répandus dans tout le village. Quand on n'a pas grand-chose à se dire, c'est tellement bien d'avoir une affaire dans le village. Ça nourrit les conversations et les jugements à l'emporte-pièce, bien sûr. Alors on cancane et Sophie s'éloigne. Récupère sa fille, observe de loin les enfants monter en voiture. Pendant un bref instant, elle hésite à interpeller les parents, à les interroger sur la marque de leur pneu. Mais par précaution, elle se ravise. Tout le monde la prend déjà pour une folle. Le soir même, au dîner, inquiète pour ses enfants, elle leur demande si tout se passe bien à l'école, si on leur fait des réflexions par rapport à l'accident ou aux recherches qu'elle mène. Clément, Clara et Jérémy lui rapportent alors les remarques qu'ils essuient quotidiennement de la part des commerçants et des adultes du village. « Dis donc, tu es tout maigre, toi. Elle te donne bien à manger, ta mère ?» Double peine, celle des braves gens. Car à Genève, tout le monde le sait. Comme levait la procédure en cas de décès d'un des parents, Sophie est devenue l'administratrice légale de ses enfants, en gros, leur tutrice. Elle est donc sous contrôle judiciaire et a l'obligation de rendre régulièrement des comptes au juge sur la manière dont elle utilise l'argent laissé par son mari. Alors, pour la moindre glace, le moindre jean acheté, il faut garder la facture en cas de contrôle, c'est comme ça. Triple peine. Maintenant au village, quand elle n'est pas la mère indigne, Sophie est la veuve vénale, prête à tout pour faire gonfler l'indemnisation de l'accident. C'est connu, les veuves sont joyeuses ou vénales. Ses contempteurs n'ont pas lu Brecht, ils y auraient plutôt vu Mère Courage et ses enfants. Du reste, 15 ans plus tôt, Jean-Paul II et sa femme avaient tout de suite compris que l'intégration ne serait pas facile. Eux qui avaient décidé de tout plaquer pour vivre à l'écart d'une société qu'ils jugeaient ultra-consumériste, pensaient pourtant que la défiance à leur égard des quelques 150 habitants de Genève finirait par passer. Mais elle s'était au contraire renforcée avec le temps. Le franc-parler de Sophie et cette admiration que Jean-Paul vouait à sa femme agaçaient au plus haut point les villageois. Et s'ils avaient pris l'habitude d'en rire ensemble, désormais, c'était seul que Sophie devait affronter cette ambiance balsacienne. Au micro d'un journaliste de France 3, des années plus tard, elle revient sur cette période de solitude et de doute. Le décès de mon mari m'appartient, c'est une histoire personnelle, ça devrait rester de l'ordre privé. Et la question va être, est-ce qu'il y en aurait d'autres? Ça a été le début du début. Est-ce qu'on est sur la partie immergée de l'iceberg? J'en ai bien peur. Quand vous en trouvez trois, effectivement, vous vous dites « Ah, peut-être que... » Mais il y a tellement de possibilités sur les éclatements de pneumatiques, donc vous avez toujours cette réserve de dire « Est-ce qu'on est dans un cas strictement similaire ?» Sophie ne lâche rien et continue ses recherches, imperturbable. Et au fil des nuits, la liste s'allonge. 3, 7, 10, bientôt 30 accidents de poids lourds impliquant des pneus LHS2. 15, 20, 75, puis 100 blessés. Sophie en perd le sommeil. Elle est hantée par une question. Si les pneus sont effectivement dangereux, comment faire pour empêcher d'autres accidents? Le 3 février 2016, elle décide d'alerter les médias. Elle sélectionne une dizaine de journalistes et leur envoie tous cette lettre pour le moins alarmante. Bonjour. Veuve suite à l'accident de l'A36 et suite à de multiples incohérences dans le procès verbal de cet accident, j'ai effectué des recherches qui m'ont conduit à une présomption d'une série accidentelle suite à l'utilisation du pneu Goodyear LHS2. La gendarmerie ne veut pas prendre possession de mes éléments, ni même y poser le moindre regard. Mais je ne veux pas attendre d'autres victimes. Je ne vois pas comment le système judiciaire pourrait faire vite et centraliser mes éléments. Je suis apparemment la seule à avoir fait tous ces liens. J'avoue avoir l'impression de tenir une bombe dans les mains dont je ne sais trop que faire. Aussi, un regard, une suggestion serait appréciable. Mais là encore, personne ne lui répond. Personne, à l'exception d'un journaliste du Monde, Gérard Davet, qui trouve son récit aussi triste qu'intéressant, mais qui n'est pas tout à fait convaincu par les preuves que lui transmet son interlocutrice. Disons que le dossier est un peu faible, pas de quoi sortir un papier. Du moins, pas pour l'instant. Something's in the air right now, like I'm losing track of time. Like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you. I wonder if you were aware that day was the last straw for me, and I know I sent you flowers, did you even care? You ran the shower and left them by the stairs. Ooh, yeah. Thought you had your shit together, but damn, I was wrong. You were nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. You ain't nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw, but you got no job. I used to think you were shy, but maybe you just had nothing on your mind. Maybe you were thinking about yourself all the time. I used to wish you were mine, but that was way before I realized someone like you would always be so easy to find. So easy. Thank you. you such an outlaw. But you got no job. You ain't nothing but a lost cause. And this ain't nothing like it once was. I know you think you're such an outlaw. Affaires sensibles. Au lendemain de l'accident de son mari, Sophie Rollet a engagé un avocat, maître Philippe Courtois, chargé de négocier les indemnités auprès de l'assurance de M. Rochard, qui est, rappelons-le, le seul responsable aux yeux de la loi concernant l'accident qui a causé sa propre mort et celle de Jean-Paul. Un défaut d'entretien, comme l'avait affirmé l'enquête. Au vu des nombreuses irrégularités du dossier et notamment de la destruction des photos de Jean-Paul prises après l'accident et aussi des 3 semaines d'attente pour obtenir le certificat de décès, Maître Courtois décide de déposer une nouvelle plainte avec saisine du doyen des juges d'instruction. Mais sa cliente, elle, veut aller plus loin. Au printemps 2016, Sophie est formelle. Elle dispose d'éléments troublants, voire incriminants, qui pourrait mettre en cause le fabricant de pneus, si tant est bien sûr que quelqu'un accepte de porter son dossier devant la justice. Bien qu'impressionné par la ténacité de Sophie, Philippe Courtois se montre plus mesuré. Oh, il connaît la puissance et l'influence de la marque à la chaussure Elle, troisième leader mondial de la construction de pneus, implanté dans 180 pays avec un chiffre d'affaires annuel de 4 milliards de dollars. Goodyear est un empire industriel qui, comme tous les empires, a développé des mécanismes bien huilés pour se protéger de ses détracteurs, en l'occurrence de ses clients. Lorsqu'il est attaqué par l'un d'entre eux devant la justice, ce qui n'a rien d'exceptionnel pour la marque américaine qui équipe tout de même près de 20% des véhicules dans le monde, le géant industriel utilise une tactique quasi infaillible qui consiste dans un premier temps à accuser le conducteur d'avoir mal entretenu ses pneus ou d'avoir surchargé son véhicule. Et lorsqu'elle n'a pas gain de cause, l'entreprise blâme la météo et les températures extrêmes ou encore les autres usagers, ceux qui laissent traîner des débris sur la route et qui provoquent indirectement l'éclatement des pneus. La méthode avait même fait ses preuves au procès du Concorde. L'avion supersonique, lui aussi, était équipé de pneus Goodyear. Et quand la justice réclame des preuves, comme ce fut le cas dans les années 90 lors du scandale des pneus LRE ou G159, d'autres affaires impliquant la firme, les avocats de Goodyear sortent le chéquier et font signer aux plaignants des settlements comprenant accords à l'amiable et surtout confidentiels. Comme l'explique sur son site internet la firme Greg Coleman Law, spécialisée dans le droit et la protection des consommateurs. Depuis que Goodyear a lancé son modèle de pneus G159 en 1996, plus de 40 poursuites ont été intentées contre la société, affirmant que son pneu défectueux avait causé de graves accidents de la route ayant entraîné des blessures ou la mort des victimes. Cependant, Goodyear a pu cacher les conclusions dans presque tous les cas déposés au cours des 2 dernières décennies, en scellant les dossiers après avoir conclu un règlement. Malheureusement, l'utilisation d'accords de règlement pour sceller les dossiers des tribunaux est une tactique courante que les grandes entreprises utilisent pour éviter d'être tenues responsables de la production ou de la commercialisation de produits défectueux. L'avocat de Sophie le sait. Si aux États-Unis la justice se monnaie, en France la législation est tout autre, notamment dans les procès au pénal. Alors Philippe Courtois cherche des exemples d'affaires impliquant Goodyear en France. Et il ne tarde pas à comprendre que lorsqu'elle est poursuivie dans l'Hexagone, l'entreprise utilise sa bonne vieille méthode et s'acharne à mettre en cause le conducteur pour ne pas débourser un centime. Les faits sont simples. La mère de la victime circulait à 90 km/h au volant de sa Clio sur la route de Gien à Auzouer-sur-Loire quand, à la suite de l'éclatement d'un pneu arrière, elle a perdu le contrôle de son véhicule et est allée heurter un arbre. Éjectée, sa fille a pratiquement été tuée sur le coup. Elle et son autre enfant ont été grièvement blessés. Un déchappage que les différentes expertises ont toujours attribué à une défaillance du pneu, alors que Goodyear Dunlop n'a jamais cessé de parler de défaut d'entretien. Attendu avec impatience, 10 ans après les faits, Le jugement a créé la surprise ce mercredi matin. Contre toute attente, le manufacturier a été relaxé et la partie civile, en l'espèce le père de la victime, a été débouté de sa demande de 30 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Maître Courtois comprend que sa cliente n'est pas la seule à s'opposer à la multinationale, que d'autres avant elle s'y sont essayées et qu'elles en ont payé le prix fort. Pas d'aveu, pas de dommages et intérêts, que du mépris et de la mauvaise foi. Face à Goudier, difficile donc, surtout en France, de faire le poids. Mais Sophie Rollet ne désarme toujours pas. Et un soir, alors qu'elle s'emploie depuis des heures à traduire une discussion entre deux routiers tchèques sur un obscur forum allemand, elle finit par comprendre que la société Goudier aurait ordonné un rappel produit pour les pneus LHS2. Un rappel produit. Cela signifie que Goudier a suspendu la commercialisation de ce modèle. Mais pour quel motif, s'interroge Sophie. Goudier aurait-il fait le lien entre ce pneu et tous ces accidents? Pour en avoir le cœur net, Sophie décide de commander l'un de ses pneus en ligne. Et lorsque 3 semaines plus tard, elle reçoit chez elle le fameux LH2, toujours sous rappel, et donc a priori interdit à la vente, elle est prise d'un vertige. Car désormais, elle en a la preuve formelle. Goodyear sait que ces pneus-là posent problème, sinon pourquoi les rappeler? Et pourtant, le fabricant continue, en connaissance de cause, à les commercialiser, donc à mettre la vie de ses clients en danger, en conclut Sophie. Un soir de mars, pour s'échanger les idées, elle allume la télé et elle tombe sur un film qui tout de suite retient son attention. C'est La fille de Brest, d'Emmanuel Mercot, une fiction qui retrace le parcours bien réel d'Irène Frachon. Regarde un peu comment ces ordures communiquent sur le retrait. On va pas revenir là-dessus. On a fait notre boulot, maintenant c'est au pouvoir public de prendre leurs responsabilités. Mais ils s'en tapent la coquille. Tu crois qu'ils vont rappeler les patients pour un dépistage? À la pharmacie de Lord Denec, ils continuent à coller leur stock pour dépanner des clients. C'est du délire. Bon alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Qu'on aille poser des bombes? Mais il y a un crime derrière tout ça. Et des victimes qui s'ignorent en plus. Sophie s'identifie sans peine au combat d'Irène Frachon. Et dès le lendemain, elle décide de donner l'alerte et de se signaler la potentielle dangerosité des pneus LHS aux autorités. Elle contacte d'abord la Fédération nationale des transports routiers de Franche-Comté, puis l'association 40 millions d'automobilistes et celle des sociétés françaises d'autoroutes, ASFA. Elle tente aussi de joindre des élus et envoie même une lettre au ministère des Transports. Sans résultat. En avril, elle se tourne vers le Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des risques, mais aussi vers l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Personne encore ne lui répond. Alors dans la foulée, elle contacte Que Choisir, le magazine de l'Union fédérale des consommateurs, et les syndicats transporteurs pour les informer du risque potentiel, là encore, en vain. Alors, peu à peu, Sophie se décourage et se met à douter. Manque-t-elle de recul, de discernement? Le 22 avril 2016, elle envoie une seconde lettre à Gérard Davet, le journaliste du Monde. Je me permets de revenir vers vous pour une sollicitation. Donnez-moi votre avis sur les éléments que j'ai pu vous transmettre. Ai-je pu interpréter ou émettre des hypothèses manquant d'objectivité? J'aimerais avoir un regard averti et que quelqu'un puisse enfin se positionner sur cette problématique, me dire si elle a une réalité ou non. Les conséquences de mes recherches et diverses prises de contact sont loin d'être négligeables sur le quotidien. Et si le combat n'a pas lieu d'être, j'aimerais autant l'interrompre maintenant. En comptant sur votre compréhension et dans l'attente de vous lire, en vous remerciant, Sophie Rollet. La réponse du journaliste lui redonne espoir. Bonjour, je crois que vous avez levé un lièvre et que votre combat vaut la peine d'être mené. On va essayer de venir vous voir. Gérard Davet. 17 octobre 2016, 16h, Bordeaux. Assis à son bureau, Maître Courtois achève de relire les éléments de l'énorme dossier que lui a transmis sa cliente. L'avocat n'en revient pas. En 6 ans, Sophie Rollet a recensé 76 accidents pour un bilan de 56 morts et 142 blessés, tous dus à des éclatements de pneus où, la plupart du temps, ceux de la marque Goodyear sont impliqués, surtout ceux liés au rappel produit. Alors désormais, il en est convaincu. Les preuves recueillies par Sophie tiennent la route, sans mauvais jeu de mots, et mettent directement en cause la responsabilité de la multinationale. L'affaire ira au pénal. Mais pour Sophie, le plus dur reste à venir. car après l'indifférence des gendarmes, la réprobation de ses proches, les calomnies de ses voisins et les précautions de son avocat, elle se heurte maintenant à la lenteur, voire à l'inefficacité de l'appareil judiciaire. Elle a beau relancer les magistrats, ses demandes d'audience sont toujours refusées. Et pendant un an, elle attend. Le 4 octobre 2017, son avocat lui annonce que le juge de Besançon demande une nouvelle expertise du pneu. Mais coup de théâtre, celui-ci a disparu. Il faudra une année à la juge pour retrouver cette pièce à conviction, un temps infini pendant lequel Sophie oscille entre colère et exaspération et peur, peu à peu espoir. Fin août 2018, le pneu est enfin localisé et une nouvelle expertise est lancée. Mais une fois de plus, la patience de Sophie Rollet est mise à rude épreuve. Un mois passe, puis un été sans retour du tribunal. À l'automne, Maître Courtois demande à nouveau une audience pour sa cliente qui continue d'amasser des preuves, mais la juge d'instruction refuse de la rencontrer. 18 mois, autant dire une éternité, s'écoulent ainsi sans nouvelles de la procédure. 6 janvier 2020, le téléphone sonne, Sophie décroche, c'est son avocat. Il lui conseille de s'asseoir, la nouvelle qu'il va lui transmettre peut être un choc. Il vient de recevoir les conclusions de la nouvelle expertise du pneu. « Vous aviez raison, lui dit-il, avant de lui lire les conclusions de l'expert. » La détérioration et déchéance du pneu avant gauche sont la conséquence de la conjonction de plusieurs facteurs affectant la fabrication du pneu. Des liaisons insuffisantes et défectueuses entre les éléments assemblés, des défauts liés aux manutentions et au stockage, des irrégularités et défauts de positionnement, ce qui démontre l'impropriété à un usage normal et la présence caractéristique d'anomalies, de telle sorte que le pneu avant gauche était entaché de vis. Sophie n'en revient pas. L'expert, un certain monsieur Duc, est formel. C'est bien un défaut de fabrication qui a provoqué l'éclatement du pneu de Pascal Rochard et la mort de son mari. Ce pneu n'aurait jamais dû être commercialisé et encore moins mis en circulation. Enfin, Sophie détient la preuve incontestable que ses recherches avaient lieu d'être et que sans elle, la vérité sur les circonstances de la mort de son mari n'aurait jamais été révélée. Enfin, elle va pouvoir dire à la famille de Pascal Rochard qu'il n'était probablement pas le responsable de l'accident qui a conduit à sa mort, mais qu'il est peut-être l'une des innombrables victimes d'un scandale industriel, celui des pneus Goodyear. 1er juillet 2020, après la première vague de Covid, le gouvernement accorde une trêve bien méritée à des millions de Français, leur permettant de partir en vacances. Alors qu'ils s'apprêtent à prendre la route, des milliers d'entre eux découvrent dans les pages du Monde la photo de Sophie Rollet, une femme au regard franc et déterminé qui tient dans ses bras une pile de dossiers. L'article intitulé « Face à Goodyear, Sophie Rollet, seule contre tous » est signé Gérard Davé, le journaliste du Monde, qui, 4 ans plus tôt, avait entamé une correspondance avec la lanceuse d'alerte. Le rapport d'expertise a fourni à ce confrère la preuve qui lui manquait pour sortir son papier, en double page. Annonce-t-il les prémices d'un procès en France, un procès médiatique? Peut-être pas, mais une mise en garde au moins pour les centaines de milliers de vacanciers qui prennent la route ce jour-là et qui s'interrogent à juste titre. Au fait, c'est quoi la marque de nos pneus? Déguisé en matone. poitrine. Une rage sommeille que tu ne soupçonnes pas. Prends garde sous mon sein la grenade. Sous mon sein là, regarde sous mon sein la grenade. Prends garde sous mon sein la grenade. Sous mon sein là, regarde sous mon sein la grenade. Regarde. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le combat de Sophie Rollet contre Goodyear, dont nous allons parler avec son avocat. L'avocat de Sophie Rollet, c'est Philippe Courtois. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat au cabinet Courbis Courtois et associé à Bordeaux et vous représentez donc Sophie Rollet depuis le mois d'août 2014. Nous venons de raconter toute l'histoire, enfin jusqu'à janvier 2020. La question est simple. Et maintenant, que peut-il se passer? Où en est la procédure? Que comptez-vous faire? L'essentiel maintenant, mais revient au juge d'instruction, puisque on a, par ce rapport d'expertise, la preuve formelle que le pneumatique a été mal conçu. Donc la preuve est liée. Le pneu a éclaté parce que la fabrication n'était pas correcte. C'est au juge, et on l'a réclamé au juge d'instruction, de mettre en examen la société Goodyear, parce qu'elle doit justement répondre. Elle doit avoir connaissance de ces éléments. Aujourd'hui, elle est encore extérieure à cette procédure. Mmh. Elle n'est même pas témoin assisté. Donc c'est l'acte que doit faire le juge et que l'on peine véritablement lui faire entendre. Alors, il est vrai, au sein du palais de justice de Besançon, quelques retards, énormément de retards dans la gestion des dossiers, mais ce dossier ne doit pas rester de côté, ne doit pas rester lettre morte. Il faut qu'il y ait une action du juge, et on l'espère véritablement cette année, pas encore une année de plus d'attente. Alors, au-delà des problèmes techniques, comment vous le sentez, le juge, par rapport à ça? C'est-à-dire, le juge a été très long. Très long, puisque une fois qu'on a déposé plainte contre X, puisque justement, on mettait en cause la procédure en tant que telle, mais on l'a élargie. Oui. Puisque pour être plus précis, juste simplement dans cette procédure, on avait un rapport d'expertise dans l'enquête préliminaire qui ne mettait pas en cause le pneumatique en tant que tel, mais la société qui avait retravaillé le pneu, Ah. Et recreusé donc. Et le procureur en a fait fi, il a dit non, c'est un problème d'entretien. Mais ce simple fait-là aurait permis un procès pénal contre cette société. Et donc on est allé plus large, puisque c'était pas normal qu'il y ait ce classement sans suite en l'ouvrant contre X. D'où cette l'intuition de Sophie Rollet, qui est aujourd'hui confirmée par ce rapport-là, et il faut impérativement qu'on aille beaucoup plus loin. Est-ce que le juge manque de technicité? C'est certain. Tout juge a besoin de rapports d'expertise. Encore faut-il avoir des experts compétents. L'expert qui a été désigné par le juge d'instruction est l'expert en France le plus compétent, je reprends ce mot, en France pour justement analyser les pneumatiques, aussi bien de camions que de véhicules classiques. L'expertise est très longue à obtenir. Mais maintenant qu'on a ce document, non pas ce Graal, mais cette vérité, il faut aller plus loin. Oui, il faut en faire quelque chose. Il faut en faire quelque chose, mettre en examen la société et obtenir également toutes les autres enquêtes qu'il y a pu avoir, qui ont mis en cause des pneumatiques, mais pour lesquelles les enquêteurs sont passés au-dessus en disant « c'est un éclatement de pneus, ce n'est rien de plus ». Et donc, on va le classer sans suite. Non, il faut véritablement savoir si c'est un cas unique, ce que je ne pense pas, ou si malheureusement c'est toute la chaîne de fabrication de ce type de pneus avec le rappel produit que vous avez rappelé tout à l'heure, qui est en cause. Maintenant, il y a une vitesse supérieure à prendre et c'est à la justice de le faire. Le combat de Sophie Rollet, il est remarquable, parce que c'est un combat intime déjà, mais c'est un combat pour les autres. Pour les autres, parce qu'elle n'a plus rien à attendre, malheureusement. Mais oui. Malheureusement, quand vous êtes victime directe ou indirecte d'un accident, vous n'avez plus que ça. C'est-à-dire que vous avez certes une indemnisation, mais c'est pas le but premier. Toutes les victimes qui peuvent nous contacter, je peux vous l'assurer, le premier contact, ce n'est pas combien je vais avoir, pas du tout. Mm-hmm. C'est comprendre, savoir ce qui s'est passé. Bien sûr. L'enquête. Pour faire le deuil, comme on dit, bien que l'expression soit un peu éculée, voilà. Mais enfin, admettons. Pour faire le deuil, mais pour savoir. Et aussi pour les autres. Pour comprendre, parce que on peut comprendre une fatalité, un pneu qui éclate, mais derrière tout ça, il y avait autre chose. Et le but de Sophie Rollet, c'est que ça n'arrive pas à d'autres. C'est ça, oui. Elle a pu, par toutes ses recherches, démontrer qu'il y avait d'autres accidents qui ont eu des éclatements de pneus et qu'on a présenté comme une fatalité avec un classement sans suite. Et donc, en fait, c'est pour que ça n'arrive pas à d'autres épouses, d'autres enfants, d'autres parents qui ont perdu des proches. C'est ça son objectif. Il n'est pas indemnitaire. Elle n'obtiendra rien d'un nouveau procès pénal. Tout simplement, ça la motive. Et je trouve qu'elle est véritablement déterminée dans cette action-là. Alors moi je ne la connais pas personnellement, bien sûr, mais je suis entré dans l'intimité de son histoire, ne serait-ce que pour la raconter. Quelle femme est-elle? Vous qui la connaissez personnellement. Alors sincèrement, et mon épouse m'en voudra pas, mais c'est une femme extraordinaire. Extraordinaire d'une volonté, d'une ténacité, d'une détermination. Comme d'ailleurs, vous avez cité tout à l'heure toutes les lanceuses d'alerte, ce ne sont que des femmes. Erin Brockovich, Irène Frachon, Sophie Rollet en fait partie. C'est une battante. C'est une battante et je pense que toute sa vie est marquée justement par ce combat. Ce combat pour comprendre, pour analyser et ne pas supporter une décision qui pèse, en quelque sorte. Et elle se bat, malheureusement, envers et contre tous. Vous l'avez rappelé, hein, avec certains de ses amis. Vous-même, au tout début, quand elle vous raconte son histoire, qu'est-ce que vous pensez, au fond de vous-même? Vous dites, mais oui, oulala, est-ce qu'elle a simplement du mal à accepter la mort de son mari, ce qui se comprend, hein. Ce sont les deux vertus d'un avocat que rappelait Henri Leclerc récemment. C'est l'écoute, mais également la raison. L'écoute, c'est de comprendre et d'analyser, justement, et d'entendre ce que peut nous dire une cliente ou un client, mais c'est également, avec raison, de savoir où on peut aller. Il est vrai que ce n'est pas simplement, comme je lui ai pu expliquer, des recherches ou une ou deux recherches sur Internet qui suffisent, c'est un faisceau d'indices. Et là, on est au-delà du faisceau d'indices. Ah oui, là, parce que c'est malheureusement. Au début, c'était juste un faisceau. Je vous l'ai dit, on avait une société qui avait été mise en cause dans l'expertise du procureur, qui indiquait que le pneu avait été mal recreusé. D'accord, mais il fallait aller plus loin. Et c'est par ses recherches qu'elle a pu obtenir cela. Mais c'est véritablement, alors non, je ne l'ai pas prise, alors je vous dis en toute sincérité, je ne l'ai pas prise pour une folle, contrairement à certains. Je n'ai pas eu des doutes, mais je me devais également, par raison, de lui dire, voilà, on va le faire dans ce sens-là, on va contester la décision parce qu'il y a les moyens de le faire, et au fil du temps, on va y arriver. C'est un combat de tous les jours, mais pour toutes les victimes de la route, pas seulement Sophie Rollet. Quand on veut comprendre et savoir, c'est malheureusement un parcours semé d'embûches. On a des moyens d'y arriver par des expertises, par des témoignages ou autres, et par la justice. Mais malheureusement, j'insiste, la justice manque de moyens par moment et manque d'efficacité en termes de temps. C'est-à-dire que le temps de la justice est un temps long, le temps du justiciable est un temps court et d'urgence. Et cette dichotomie, elle peut être douloureuse. À attendre, comme ça. Et pourquoi j'ai pas de nouvelles? Et pourquoi elle me répond pas? Ça va être terrible, ça. Mais quand vous savez qu'un juge d'instruction n'a que, dans une année, que 10 jours pour s'occuper d'un dossier. Oui, non, mais d'ailleurs, c'est pas un jugement sur la magistrature. Je me mets dans la peau des justiciables. Parfois, ça va être psychologiquement tellement dur d'attendre des mois. Je vais pas faire le procès de la justice. Ouais. En revanche, dans un dossier comme celui de Sophie Rollet, quand vous apportez tous les éléments de preuve, quand vous avez un rapport d'expertise demandé par le juge qui confirme que le pneu a été mal fabriqué, quand vous avez des éléments d'autres accidents qui démontrent que c'est la même marque, le même type de pneu qui est concerné, le travail du juge, il est quasiment fait. C'est le travail de Sophie Rollet qui est amenée sur un plateau au juge d'instruction et qui doit en tirer les conséquences. Je suis très direct, donc c'est pas un procès de la justice. Là, je vais me permettre de le faire, mais c'est un procès du juge qui, honnêtement, a entre les mains tous les éléments. Ça fait plus d'un an qu'elle a le rapport d'expertise. Et qu'on ne cesse de lui demander, on peut pas donner d'ordre, mais demander qu'elle entende, qu'elle mette en examen, qu'elle mette place aux témoins à assister la société Goodyear, mais qu'on avance. Qu'on puisse avancer, sinon on en sera dans le même point dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec ce dossier. C'est une juge? C'est une juge. D'accord. On se retrouve dans 3 minutes, Philippe Courtois, après avoir écouté Shade, The Big Unknown. Only darkness really knows. hoping for a humble seed to grow. Philippe Courtois, avocat de Sophie Rollet, je le rappelle. Il existe un épisode non mentionné dans le récit, mais qui a attiré notre attention, bien sûr. La juge d'instruction qui a finalement accordé une audition quand même à votre cliente. Votre cliente lui a présenté les éléments du dossier au sujet de ces pneus LHS et de leur potentielle dangerosité. Mais alors, la juge d'instruction n'a rien compris, quoi. Techniquement, c'était était débordé. Tout à fait. Un dossier présenté par Sophie Rollet qui ferait pâlir de jalousie plusieurs de mes confrères. Tellement c'était détaillé, précis, et la juge, pendant l'audition, était un peu perdue, donc a demandé à Madame Rollet de lui fournir par la suite. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Étonnant. Il y a des experts pour ça. Il y a des experts. Alors, le premier expert s'était prononcé, mais il fallait encore aller plus loin. Ce qu'on a demandé au juge, c'est de pouvoir récupérer l'ensemble des accidents que l'on citait dans notre plainte initiale avec les éléments de Madame Rollet pour qu'on puisse faire un lien de causalité, un lien entre ces différents accidents. Bien sûr. Peut-être qu'ils ne sont pas tous liés aux mêmes thématiques, ce qui serait étonnant en fonction des éléments dont nous disposons. Mais c'est le travail de la justice, de faire la lumière sur ce qui s'est passé, la manifestation de la vérité. Preuve en est malheureusement qu'à ce jour, on en est loin de cette lumière. Mais je me dis quand même que du côté de Goodyear, si cette affaire s'étale assez dans la presse, et là c'est un relais puissant, évidemment, c'est votre allié pour le coup, si ça s'étale dans la presse, les gens de Goodyear vont être alertés quand même, ils vont se dire c'est une très mauvaise publicité, enfin c'est très, très mauvais pour nous. C'est un vrai levier ça. C'est vrai, parce que malheureusement la mauvaise publicité elle se fait par les médias, à juste titre lorsque c'est fondé. Mais si on reprend le Mediator, c'est allé dans ce sens-là, c'est parce que les médias s'en sont occupés. Vous prenez la Dépakine, vous prenez les prothèses PIP, enfin tous ces scandales, c'est parce que les médias s'y sont intéressés. C'est pas un reproche que je leur fais aujourd'hui, mais très peu se sont intéressés justement à ce problème des pneumatiques. La raison est toute simple, c'est qu'aujourd'hui en France, vous n'avez que 4000 camions qui circulent tous les jours. Et vous avez plus de 30 000 véhicules sur nos autoroutes ou routes françaises. Le lien est très très faible. Combien de décès, combien de blessés après un éclatement de pneus ? Il y en a malheureusement peu. Mais en France, mais si on mettait ça dans le monde entier, ce pneu n'a pas été commercialisé que sur notre territoire national, sur l'ensemble du monde. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, j'ai ce triste constat, c'est que si la justice ne fait pas son travail, n'œuvre pas en ce sens-là, bah Goodyear, pour le moment, ne serait pas inquiété. Mais c'est vrai que la force des médias est un, on parle souvent de contre-pouvoir avec les médias, mais c'est le cas. C'est le cas, c'est essentiel dans ce dossier. Ah, je résume. Dans le dossier, la preuve. Ah ben, c'est un dossier fort, c'est pas toujours qu'on a des preuves à présenter, hein. Donc, des preuves, Vous dites, oui, mais elle cherche pas les indemnités, parce que, mais imaginez que la justice réagisse, qui est vraiment une vraie procédure pénale, avec des preuves. Si, il y a beaucoup à gagner, peut-être. Non, financièrement non, puisqu'en France, c'est la loi de 85, la loi Badinter, qui indemnise les victimes d'accidents de la circulation. Certes. L'indemnisation de Madame Rollet et de sa famille a été obtenue depuis un certain temps déjà tout de même. Et ce combat, c'est un combat, pour son époux. Et pour les autres victimes, c'est véritablement tout à son honneur qu'elle le fait. Elle aurait pu très bien s'arrêter. Oui, non, mais je remets pas ça en doute. On se l'a dit au début. Il y a pas de problème. Et pénalement, il y a rien. Enfin, financièrement, après un procès pénal, il n'y a rien à rechercher. Il n'y a rien à rechercher. Mais alors, avant un procès, peut-être qu'on peut s'attendre à ce que Goodyear réagisse, s'efface comme d'habitude, avec les plaignants, alors on donne de l'argent, puis vous taisez. Ou... C'est l'avantage de notre système de droit en France. Mm-hmm. Aux États-Unis, on va acheter votre silence. Ouais. Très clairement, et le procès va s'éteindre, il n'y aura pas de procès. Mm-hmm. En France, le procureur est prévenu de ces faits-là. Et le procureur est le garant de notre société, il en est le représentant. Et il doit justement éviter que l'infraction se reproduise. Et donc, même si aujourd'hui, Madame Rollet, elle ne le fera pas, enlever sa plainte, l'instruction se poursuivrait et le procès aurait lieu. Donc, ça n'enlèverait rien du tout. Aujourd'hui, en France, une société ne peut pas acheter le silence d'une victime, fort heureusement d'ailleurs, qu'on n'arrive pas à une dérive outre-Atlantique un jour. Et ça pourrait, ce sera la dernière question, il reste quelques secondes, ça pourrait rouvrir d'anciens dossiers qui seraient liés un peu à ça. Malheureusement, il y a toujours la prescription en France, donc ça ne pourrait pas. Mais ça pourrait en tout cas peut-être expliquer à certaines victimes qui aujourd'hui ne le savent pas, comme le conducteur, l'autre conducteur de cet accident. Eh bien en fait, ce n'est pas lui qui a fait une erreur de conduite, c'est le pneumatique qui est entièrement responsable. Ce sera le mot de la fin, Philippe Courtois. Merci infiniment d'être venu nous voir pour nous donner des précisions sur cette affaire. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le combat de Sophie Rollet, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Adèle Caglard.